Bien à vous, chères âmes. Je suis vraiment ravie de partager cet agréable moment en votre compagnie. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre votre temps pour écouter ces quelques mots que je vous propose. Ces mots prononcés par ma voix sont purement éphémères, car il est souvent dit que ce qui est bon pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, et vice-versa. Nous avons le choix de prendre ou de ne pas prendre pour argent comptant, ce qui est dit ici. Ayez cette pratique, si vous pouvez, de penser par vous-même pour devenir le chef d'orchestre de votre vie. Alors, comment se réaliser pleinement dans son quotidien en sachant que notre vie professionnelle, voire personnelle, et bien sûr dans un monde tourmenté dans lequel on vit, il n'est pas toujours simple de se poser juste un instant, voire même, il est parfois difficile pour certaines personnes de prendre le temps, tout simplement, de respirer. En métaphore, nous pourrions nous représenter tel un oiseau qui nous dirait « Comment apprendre à voler de ses propres ailes pour devenir un être autonome et libre dans toute son expression ?» Vous connaissez peut-être cette phrase qui nous dit « Voler de ses propres ailes ». Revenons à nous-mêmes en quittant cette métaphore. Nous pourrions peut-être nous poser cette question. Que me manque-t-il aujourd'hui pour me sentir bien, pour sortir de mes problèmes, de mes angoisses, de mes soucis, voire de ma maladie? Un peu comme des freins qui nous empêcheraient d'avancer dans notre existence pour devenir pleinement soi-même. Une autre question que nous pourrions également nous poser: ai-je mis des freins en moi? Et si oui, pourquoi? Et est-ce que ces freins m'empêchent d'avancer sereinement? Que puis-je faire pour me sortir de cet état de mal-être où je me situe actuellement? Sans jugement sur soi-même, une fois que nous avons pris conscience de nos freins, de nos difficultés, nous pouvons nous dire que notre travail intérieur est commencé, en nous rappelant toutefois que ces freins viennent de nous-mêmes. Et oui, ce n'est pas le voisin ou la voisine qui nous les a posés, étant donné qu'à la base, nous sommes acteurs de notre vie. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Alors, les freins, c'est quoi ? Les freins, ce sont toutes nos peurs, nos angoisses, nos colères, nos sentiments qui ont été refoulés, qui n'ont pas pu être exprimés suffisamment à un moment donné et qui se sont cristallisés en nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces expressions, que ce soit la peur, l'angoisse, la colère, etc., ont été très utiles, et elles le sont encore pour nos expériences de vie. Elles nous permettent à ce jour d'évoluer, voire de grandir. Permettez-moi un instant de vous dire que toutes ces expressions non exprimées, voire refoulées, sont simplement le reflet de notre ombre, notre côté obscur, non reconnu et n'étant pas mis en lumière. Et oui, comme l'ombre et la lumière, vivant dans un équilibre harmonieux et en complémentarité, nous avons également la possibilité de reconnaître en nous-mêmes notre part d'ombre comme une part lumineuse, faisant partie intégrante de notre personne, de notre individualité. Une fois notre partie ombre reconnue, nous pouvons faire des mises à jour pour transformer notre état d'être et en même temps améliorer notre vie. Sachant que nous avons tous en nous notre propre réponse, il existe toutefois différentes stratégies pour éclairer notre partie ombre et pour nous aider à sortir du mal-être et de nous épanouir dans notre vie. D'ailleurs, la méditation peut être une aide pour se reconnecter au soi. Il existe aujourd'hui toutes sortes de méthodes pour reprendre contact avec soi-même. Choisissez celle qui vous correspond le mieux. Nous sommes la lumière dans le grand tout, incarnée ici et maintenant. Et c'est dans ce grand champ expérimental de l'amour que nous réalisons. Nous sommes là pour grandir, pour nous améliorer. Et pour cela, nous devons nous reconnecter à notre source divine. Pour se relier à l'être-té, nous pouvons créer notre propre mode d'emploi pour atteindre nos rêves, voir nos buts, devenir indépendant et se réaliser pleinement. Une fois notre mode d'emploi créé, notre processus de changement est en route, où nous pourrons y intégrer de nouvelles ressources en nous-mêmes. Se reconnaître dans sa partie négative et positive, voir ombre et lumière, c'est s'identifier à son humanité divine.